9, 7, 6, 69. Toi-même, tu sais. Mais qu'ils soient bien de loin, au moment fallait parfait, j'enchaîne des phases et là c'est l'heure que je vais tout faire des siens. Mais comment je vais m'arrêter si la concurrence est bien décès? Je suis indécis face à la peur des uns, des autres, en face c'est le but, les autres, et l'on perd, les autres, 0-2, la zone, mon gamin, la sauce, faisons quoi, ça pose, j'en besoin, mes autres, alpamis, non, non, je fais pas banane, refonds sous la banane, c'est lion et pas banane, pélo traîne pas par là, mec, ça sent la balle, la fille, c'est sympa, pas dingue comme le DJRR. C'est tout pour la bagarre, je suis dans la zone, je parle de ça qui m'aura fermé, de grand bien, je suis un lionnet, mais tout d'abord je suis un mort et je dois le dire, je suis dans le dur, quand c'est la suite qui ne veut vraiment pas venir, c'est les nerfs qui sont tendus comme le gars, ça ne l'a attendu. Mon flow m'a dit, mon humain de la rime, L-Y-O-N, c'est le nom de ma vie, les jeux la haine, sentiment de ma vie, tous mes gars de veau seront de la partie, je suis dans le deuxième, dis que pas ma fratrie, mon gars la villette, on te prend à partie. Toi qui aimais dit, m'accompagne dans la vie, t'en as vu quand très peu, je préfère croire à Guy, et puis ce dans la vie ne tient plus qu'à un fil, ou plus souvent des fils dans la file de défis, soit pas de fil à des filles, mais plutôt des conflits, dans la thèse des bandits, paraît qu'il y a peu de grandis, soit pas de fil à des filles, mais plutôt des conflits, dans la thèse des bandits, paraît qu'il y a peu de grandis, il y a plus l'an qui vit, t'as pris la sadie, frère, ça vient d'Albanie, les calas sont gratuits, je vais finir de kicker, parce que la concu est pour faire ça c'est compliqué, mais il faut compiler la maquette. Mais il faut compiler la maquette. Prends dans 6-9, ça vend de la douce. Quand t'as l'odeur de la frappe et tu tousses. Elle t'annonce qui est, tu veux faire le ouf. Tu me dis c'est ta reine, mais c'est une grosse poule. Prends dans 6-9, ça vend de la douce. Quand t'as l'odeur de la frappe et tu tousses. Elle t'annonce qui est, tu veux faire le ouf. Tu me dis c'est ta reine, mais c'est une grosse poule. Frère, j'ai plus de béton qu'un portugais. Venatis, y'a arceuse dans le barillet. Quand t'as balle, fais la boulette, d'être comme Christophe Jallet. Je vais mourir sur le rinté comme Vivien Fouet. Ta soeur comme un CRF, gros, ça l'a levé. J'ai vendu des savons, mais c'est pas pour me laver. Que je m'en tape du love, ramène-moi mes lovés. C'est noir avec la reine blanche. Tu tapes dans la coco. Ton père, c'est un schmitt, comme un salope, tu pues de la chatte, je te prends en le lieu, je te vomis sur le dos. Contre son sur la A1, mes frères ils savent patiner, ils prendront mes patins. Je connais le vice-monde, ta sœur la catin. Comme le moteur du R1. A fond ballon sur la roue du succès, y'a pas de frein. Lundi 5h59, mandat à Guy, ça dort chez le voisin. Et la mission à les Smith, dans le périmètre, mais vite ton 10, dans ta chatte ou dans tes seins. Zano tire, quand Philippe est plein, elle veut sa paire de Louboutin. Donc enchaîne les temps pleins, t'es pas de la famille donc m'appelle pas le sang. Soleil tapant, ça démarre les captains. Pas besoin d'être maçon pour être dans le bâtiment. Pas de Rolex au poignet donc j'ai pas ton temps. Le secteur c'est Bagdad, ça pull off au bécan. Y'a de la frappe, sous le cellophane, elle a toutes mes photos. Et tu me dis que ta femme, je vais t'allumer, j'ai pas déclaré ma flamme. Les midi pin, faut que je les schlaps, je suis posé au quartier. Vite t'enlève le slide, un couple de gangsters comme Boudel Plaque. Pendant 6-9, ça vend de la douce. Quand t'as l'odeur de la frappe et tu tousses. Elle t'annonce qui est, tu veux faire le ouf. Tu me dis que c'est Harlem, mais c'est qu'une grosse poule. Pendant 6-9, ça vend de la douce. Quand t'as l'odeur de la frappe et tu tousses. Elle t'annonce qui est, tu veux faire le ouf. Tu me dis que c'est Harlem, mais c'est qu'une grosse poule. 1-69, dédicace à Nose, Brillant, Doran, Agui, Yes, Tours. Les frères du deuxième et du troisième. Tous ceux qui me soutiennent. Ouais, ouais, ouais.